Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Приложение. Стихи по-французски. Детское стихотворение Е.А. Баратынского. Je voudrais bien, ma mère, célèbre tes vertus, que de la main divine, en naissant tu reçus. Pourrais-je m'en défendre, voyant ta bonté, ton âme douce et tendre, ton esprit, ta beauté. Je pense au nom de Flore, de Vénus, de Psyché, de Pallas et d'Aurore. Mais hélas, quel péché! Comparerais-je nos êtres, si vrais, si beaux, si bons, aux beautés dont peut-être n'existe que le nom. Une beauté céleste, si pleine de vertus, si douce et si modeste, que toi n'existe plus. Far niente. Merci, ami, pour votre indignation flatteuse. Mais franchement, je renonce à la lire et me livre avec ivresse au bonheur sans condition que m'offre la douce oisiveté. L'amour de verre a passé, comme l'autre qui vaut bien mieux. Chantez encore, aimez encore, je le voudrais, mais mon âme est trop fatiguée. Je chéris mon pacte avec le désœuvrance, doucement bercé par une somnolence bienheureuse. Je ne veux pas tromper par des transports empruntés, ni les douces filles de la terre, ni les austères vierges de l'Hélicon. Aurore Chernval. Oh, qu'il te sied ce nom d'Aurore, adolescente teint vermeil, vers ces lumières plus encore, au cœur dont tu romps le sommeil. Entends la voix déjà souffrante de la jeunesse prévoyante. Pour qui se lève ce beau jour? Pour qui cette aurore charmante sera-t-elle solide d'amour? La rime. Lorsqu'aux Jeux olympiques, au sein des jeunes villes de la Grèce, tu chantais au fils d'Apollon, tu te faisais entendre à une multitude avide d'émotions généreuses. Tu avais foi en la sympathie populaire et au maître large et libre cadençait sans la gêner de puissantes voix. La foule restait muette et attentif jusqu'à ce qu'entraînait par une commotion victorieuse, elle éclatait en applaudissements et lui inspirait de nouveaux accords. Mais de nos jours, hélas, qui interroge nos lieux proscrites? Qui voudrait quitter le sentier du vulgaire et s'élevant sur nos ailes? De nos jours, le poète ignore la portée de son essor, juge et partit à la fois, et salue de résoudre si les voix qui lui parlent est celle d'une fière bizarre ou de la véritable inspiration, don souverain du ciel. Au sein de ce sommeil de mort, au sein de cette glaciale indifférence du monde, toi seul, ô rime, viens l'encourager par tes échos bienfaisants. Ainsi que la colombe de l'arche, seul tu lui présentes le rameau fleuri. Seul tu viens approuver ces vieilles solitaires et légitimer ses aspirations. Le préjugé. Préjugé, tu es le dernier rayon d'une vérité qui va s'évanouissant dans la nuit des siècles. Le temple est tombé et l'esprit de ses ruines parle une langue oubliée. Une génération dédaigneuse poursuit en lui, ne pouvant reconnaître les traits de son visage, le grand aïeul de notre vérité contemporaine. Arrêtez vos efforts parricides, respectez son agonie et accordez une honnête sépulture aux cendres qui vous ont donné la vie. Lorsque le poète, cet enfant du doute, et de la passion, te considéra de son profond regard, Tu consentis à partager ces jours où j'étais, aimant en lui le mystère de la douleur. Toi, si timide et si courageuse à mes côtés, ta main dans ma main, tu m'es suivi dans mon sauvage enfer, et de ton divin amour voyait le paradis. Ô toi, si sainte et si tendre, que des fois ma tête rebelle chercha l'appui de ton cœur et retrouva auprès de toi la croyance en moi-même et la foi au ciel. Конец стихов по-французски. Читал Ефим Сомин, Лексингтон, Массачусетс, 2015 год.